Comment dit-on rester? Quedarse. Quedarse, très bien. C'est rester, mais littéralement se rester. Quedarse. Alors, je reste se dit... Me quedo. Me quedo. Nous restons. Nos quedemos... quedamos. C'est à vous de me le dire. Nos quedamos. Bien. Le verbe est quedar. C'est un verbe en ar. Donc, nos quedamos. Il ou elle, au pluriel, reste. Se quedan. Se quedan. Bien. Et elle reste, au singulier. Se queda. C'est ça. Ella se queda. Comment dites-vous « je ne reste pas » ? No me quedo. No me quedo. No me quedo. Et je vais rester ? Voy a quedarme. Tout à fait. Voy a quedarme. Combien de temps allez-vous rester ? La question s'adresse à usted. ¿Cuánto tiempo va...? Ah, cuando veut dire quand. Mais ici, la question, c'est combien. Combien de temps. Ce n'est donc pas cuánto tiempo, mais... ¿Cuánto? Oui, c'est ça. ¿Cuánto tiempo? Combien de temps. ¿Cuánto? Avec un T, comme dans quantité. Quelle quantité? Alors que quando veut dire quand, avec un D, comme dans le mot français, quand. Alors ici, la question c'est combien de temps allez-vous, usted, rester? Quanto tiempo va. Bah, oui. Quanto tiempo va. Allez-vous rester? Quanto tiempo va. Quedarle? Comment dit-on rester? Quedarse. Quedarse. Alors, combien de temps allez-vous rester? ¿Cuánto tiempo? Va quedarse. Encore une fois. Quedarse. Va a quedarse. C'est ça. Combien de temps allez-vous rester? Encore une fois, s'il vous plaît. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? Bien. ¿Cuánto tiempo va a quedarse? C'est le type de question qu'on peut vous poser dans un hôtel. Combien de temps allez-vous rester? Et si vous venez à plusieurs, on vous demandera... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo allez-vous rester? Vous deux. ¿Van a? Bien. ¿Van a? Rester. Quedarse. C'est ça. Quanto tiempo van a quedarse? Combien de temps allez-vous, c'est un pluriel, allez-vous, van a quedarse? Si vous répondez, je ne sais pas encore combien de temps nous allons rester. On met encore un tout début de phrase. Littéralement, encore, je ne sais pas. Alors, commençons par pas encore. Toda. Todavía no. C'est ça. Todavía no. Pas encore. Et maintenant, je sais. C'est. D'accord. Alors, revide-le. Je ne sais pas encore. C'est-à-dire, encore je ne sais pas. Todavía no sé. Todavía no sé, oui. Combien de temps nous allons rester? ¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos? D'accord. Todavía no sé cuánto tiempo vamos a quedarnos. Todavía no sé cuánto tiempo vamos a quedarnos. Donc, vous voyez que la construction avec le verbe aller est une manière très facile d'exprimer le futur. Voy a, vas a, va a, vamos a, van a, qu'on fait suivre du verbe. Le futur, à proprement parler, ne présente pas de difficultés particulières non plus. Si vous entendez quelqu'un l'utiliser, vous reconnaîtrez facilement sa terminaison accentuée à l'oral. Re, remos, etc. Et, de la même manière, si vous voulez l'employer, c'est très facile, puisqu'on retrouve les mêmes terminaisons pour tous les verbes, qu'ils soient en ar, er ou ir. Donc, si vous voulez dire « je resterai », c'est-à-dire « je me resterai », hein, vous direz « me quedaré ». « Me quedaré », d'accord. Et « nous resterons », hein, littéralement « nous nous resterons ». « Nos quedaremos ». Bien, « nos quedaremos ». Donc, nous avons vu deux manières d'exprimer le futur. « Voy a quedarme », je vais rester, ou « me quedaré », je resterai. Et, de la même manière, « vamos a quedarnos », nous allons rester, ou « nos quedaremos », nous resterons. Donc, avec « je », on accentue la terminaison du futur. Et cette terminaison, c'est « re ». Ré, hein, d'accord. Et la terminaison avec le nous, c'est Remos. Remos. Donc, ré, remos, ça c'est valable pour la forme avec je et avec nous. Pour les autres personnes, on part de ra. Hein, ra, qui est la terminaison pour il ou elle au singulier, et donc aussi valable avec usted, et qui donne ran pour il ou elle au pluriel et ustedes, et ras avec le tu. Voilà, vous avez les terminaisons du futur, et ces terminaisons sont valables pour tous les verbes. Alors, je l'achèterai, c'est lo compraré. Lo compraré. Et nous l'achèterons Lo compraremos. Bien. Donc, ici, on a les terminaisons « re » pour la forme avec « je » et « remos » pour la forme avec « nous ».« Re » et « remos ». Pour le reste, c'est « ra »,« ran » et « ras ». Donc, « il achètera », c'est Lo comprará. Lo comprará. Et où l'achèterez-vous? Vous posez la question à usted. ¿Dónde lo comprará? ¿Dónde lo comprará? Et si vous posez la même question à ustedes, où l'achèterez-vous? ¿Dónde? ¿Dónde lo comprarán. C'est ça. Donde lo comprarán. Au futur, il faut toujours accentuer la terminaison. Sauf avec le nous, hein, pour laquelle on accentue l'avant-dernière syllabe. Remos. Comment dit-on où l'achèteras-tu? Donde lo comprarás. Bien. Donde lo comprarás. Et elles ne l'achèteront pas parce que c'est trop cher. No lo comprarán. Oui, no lo comprarán. Porque c'est trop cher. Hein? Trop se dit demasiado. Demasiado. Ça, c'est trop. Demasiado. Donc, trop cher se dit. C'est trop cher. Es demasiado caro. C'est ça. Es demasiado caro. C'est trop cher. Es demasiado caro. No lo comprarán porque es demasiado caro.